5. Le marché. En jetant les yeux vers le milieu de la place, Spiffane éprouva un sentiment de surprise et de colère, dont Vignel lui demanda la cause. « Ne voyez-vous pas, dit le prince irrité, ne voyez-vous pas cette lanterne de pilori qu'on a laissée au mépris de mes ordonnances? Le pilori est supprimé, monsieur, et voilà de quoi faire casser le prévôt et tous les échevins, si nous n'avions nous-mêmes borné sur eux notre autorité royale. Mais c'est à notre peuple de Paris qu'il appartient d'en faire justice. » « Sire, observa le poète, le populaire ne sera-t-il pas bien plus courroucé d'apprendre que les vers gravés sur cette fontaine, et qui sont du poète du Bellay, renferment dans un seul distique deux fautes de quantité, humida spectra, pour l'hexamètre, ce que défend la prosodie à l'encontre d'Horatius, et une fausse césure au pentamètre. « Oh là !» cria Spiffam, sans se trop préoccuper de cette dernière observation. « Oh là, bonnes gens de Paris, rassemblez-vous, et nous écoutez paisiblement. » « Écoutez bien le roi qui veut vous parler en personne, » ajouta Claude Le Vignet, criant de toute la force de ses poumons. Tous deux étaient montés déjà sur une pierre haute, qui supportait une croix de fer. Spiffam debout, Claude Le Vignet assis à ses pieds. Alentour, la presse était grande, et les plus rapprochés s'imaginèrent d'abord qu'il s'agissait de vendre des onguents ou de crier des complaintes et des Noëls. Mais tout à coup, Raoul Spiffam ôta son feutre, dérangea sa cape, qu'il laissa voir un étincelant collier d'ordre tout de verroterie et de cliquant qu'on lui laissait porter dans sa prison pour flatter sa manie incurable, et sous un rayon de soleil qui baignait son front à la hauteur où il s'était placé, il devenait impossible de reconnaître la vraie image du roi Henri II qu'on voyait de temps en temps parcourir la ville à cheval. « Oui, criait Claude Vignet à la foule étonnée, c'est bien le roi Henri que vous avez au milieu de vous, ainsi que l'illustre poète Claudius Vignetus, son ministre et son favori, dont vous savez par cœur les œuvres poétiques. « Bonnes gens de Paris, interrompait Spiffam, écoutez la plus noire des perfidies. Nos ministres sont des traîtres, nos magistrats sont des félons. Votre roi bien-aimé a été tenu dans une dure captivité, comme le premier roi de sa race, comme le roi Charles VI, son illustre aïeul. » À ces paroles, il y eut dans la foule un long murmure de surprise, qui se communiqua fort loin. On répétait partout « Le roi, le roi !» On commentait l'étrange révélation qu'il venait de faire. Mais l'incertitude était grande encore lorsque Claude Vignet tira de sa poche le rouleau des édits, arrêts et ordonnances, et les distribua dans la foule, en y mêlant ses propres poésies. « Voyez, disait le roi, ce sont les édits que nous avons rendus pour le bien de notre peuple, et qui n'ont été publiés ni exécutés. Ce sont, disait Vignet, les divines poésies traîtreusement pillées, soustraites et gâtées par Pierre de Ronsard et Mélin de Saint-Gelais. On tyrannise sous notre nom le bourgeois et le populaire. On imprime la sophonisbe et la franciade avec un privilège du roi qu'il n'a pas signé. Écoutez cette ordonnance qui supprime la gabelle et cette autre qui anéantit la taille. Oyez ce sonnet en syllabes scandées à l'imitation des latins. Mais déjà l'on n'entendait plus les paroles de Spiffam et de Vignet. Les papiers répandus dans la foule, élus de groupe en groupe, excitaient une merveilleuse sympathie. C'étaient des acclamations sans fin. On finit par élever le prince et son poète sur une sorte de pavois composé à la hâte, et l'on parla de les transporter à l'hôtel de ville, en attendant que l'on se trouvât en force suffisante pour attaquer le Louvre, que les traîtres tenaient en leur possession. Cette émotion populaire aurait pu être poussée fort loin, si la même journée n'eût pas été justement celle où la nouvelle épouse du dauphin François, Marie d'Écosse, faisait son entrée solennelle par la porte Saint-Denis. C'est pourquoi, pendant qu'on promenait Raoul Spiffam dans le marché, le vrai roi Henri II passait à cheval le long des fossés de l'hôtel de Bourgogne. Au grand bruit qui se faisait non loin de là, plusieurs officiers se détachèrent et revinrent aussitôt rapporter qu'on proclamait un roi sur le carreau des Halles. « Allons à sa rencontre, » dit Henri II, et, foi de gentilhomme, il jurait comme son père, « si celui-ci nouveau, nous lui offrirons le combat. » Mais à voir les hallebardiers du cortège débouchés par les petites rues qui donnaient sur la place, la foule s'arrêta, et beaucoup fuirent tout d'abord par quelques rues détournées. C'était en effet un spectacle fort imposant. La maison du roi se rangea en belle ordonnance sur la place. Les lansquenets, les arquebusiers et les Suisses garnissaient les rues voisines. Monsieur de Bassompierre était près du roi, et sur la poitrine de Henri II brillaient les diamants de tous les ordres souverains de l'Europe. Le peuple consterné n'était plus retenu que par sa propre masse qui encombrait toutes les issues. Plusieurs criaient au miracle, car il y avait bien là devant eux deux rois de France, pâles l'un comme l'autre, fiers tous les deux, vêtus à peu près d'eux-mêmes, Seulement, le bon roi brillait moins. Au premier mouvement des cavaliers vers la foule, la fuite fut générale, tandis que Spifam et Vignet faisaient seuls bonne contenance sur le bizarre échafaudage où ils se trouvaient placés. Les soldats et sergents se saisirent d'eux facilement. L'impression que produisit sur le pauvre fou l'aspect de Henri lui-même lorsqu'il fut amené devant lui fut si forte qu'il retomba aussitôt dans une de ses fièvres les plus furieuses, pendant laquelle il confondait comme autrefois ces deux existences de Henri et de Spifam. Il ne pouvait s'y reconnaître, quoi qu'il fît. Le roi, qui fut informé bientôt de toute l'aventure, prit pitié de ce malheureux seigneur et le fit transporter d'abord au Louvre, où les premiers soins lui furent donnés et où il excita longtemps la curiosité des deux cours, et il faut le dire, leur servit parfois d'amusement. Le roi y remarquait d'ailleurs combien la folie de Spifam était douce et toujours respectueuse envers lui, ne voulut pas qu'il fût renvoyé dans cette maison de fous, où l'image parfaite du roi se trouvait parfois exposée à de mauvais traitements, ou aux railleries des visiteurs et des valets. Il commanda que Spifam fût gardé dans un de ses châteaux de plaisance, par des serviteurs commis à cet effet, qui avaient ordre de traiter comme un véritable prince et de l'appeler sire et majesté. Claude Vignel lui fut donné pour compagnie, comme par le passé, et ses poésies, ainsi que les ordonnances nouvelles que Spifam composait encore dans sa retraite, étaient imprimées et conservées par les ordres du roi. Le recueil des arrêts et ordonnances rendus par ce fou célèbre fut entièrement imprimé sous le règne suivant avec ce titre « Dicarchi Henrici Regis Progymnasmata ». Il en existe un exemplaire à la Bibliothèque royale sous les numéros 7, 6, 412. On peut voir les mémoires de la Société des inscriptions et les belles lettres, tome 23. Il est remarquable que les réformes indiquées par Raoul Spifam ont été la plupart exécutées depuis.